suis mauvais. Elle me regarde parano. Y'a qu'à ma famille que je dois prouver. Dis-moi pourquoi, je ne sais pas. Je vise des étoiles que je n'atteins pas. Je veux m'en aller, je fais les 100 pas. Dis-moi pourquoi. Elle a un charme à moitié monégasque. Elle veut le numéro 10, elle veut le premier de la classe. Des kilomètres de vécu dans les bases. Pas dispo, je réponds pas, y'a le CD dans les boîtes. Sale fils de pute, desserre-nous les menottes. Audi volé, cabriolet, c'est pas de la camelote. Y'aura personne quand tu vas tomber. Pisté dans mon check, son érodé. Paper, je veux du paper. Je décolle, je suis sous jaune comme un Laker. Paper, je veux du paper. Et je rigole sur les coms de mes haters. Je suis dans le VIP sa mère. T'es pas content, c'est la merde. Serre la fille et la mère. Pendant que les flics sa mère. Je suis dans le VIP sa mère. T'es pas content, c'est la merde. Serre la fille et la mère. Pendant que les flics sa mère. Elle a un charme à moitié monégasque. Elle veut le numéro 10, elle veut le premier de la classe. Des kilomètres de vécu dans les bases. Pas dispo, je réponds pas. Y'a le CD dans les bacs. Elle a un charme à moitié monégasque. Elle veut le numéro 10, elle veut le premier de la classe. Des kilomètres de vécu dans les bases. Pas dispo, je réponds pas. Y'a le CD dans les bacs. Dis-moi pourquoi.